En Corée du Sud, selon Yonhap News, les populations expriment de plus en plus du respect envers les consommes sans égal Paktusan. Un habitant a inséré de nombreux numéros exaltant la noble vertu de Kwantom, le président Kim Il-sung, dans divers sites web, notamment Naver, pendant l'espace de 2009 jusqu'à novembre de l'année passée. Le parquet l'a détenu pour accuser en vertu de la loi sur la sécurité tristement célèbre et le réprime, mais il a déclaré de continuer son œuvre en rejetant la reconnaissance de la loi draconienne.